Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, je vais parler à quelqu'un. Tu as porté plainte contre ton frère, contre ta sœur. J'aimerais te dire d'aller retirer la plainte. C'est honteux. Si tu continues à t'entêter, l'Éternel va t'abandonner. Écoute-moi bien. Il faut que le problème se règle entre les mains de l'Église. C'est honteux. Oui, c'est l'Éternel qui est Yahvé Tchikenou. C'est lui qui est capable de te faire justice. Et le cœur qui pardonne. Et tu seras grand, tu seras élevé. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Nous commençons l'évangile selon Marc. Et aujourd'hui, nous allons lire Marc chapitre 1, versets 1 à 8. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons Marc, chapitre 1, 1 à 8. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tous les pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Amen. » Nous allons partager trois grandes vérités sur la personne de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est pour nous un grand modèle. Il y a beaucoup de gens qui se disent serviteurs de Dieu, apôtres, ministres de Dieu, bishop, archibishop, pasteur, docteur. Mais nous avons besoin de gens comme Jean-Baptiste. Nous allons voir trois éléments importants qui caractérisaient Jean-Baptiste et son ministère. Premièrement, il prêchait le message de la repentance. Ce message est devenu rare aujourd'hui. Le message qui captive beaucoup de gens aujourd'hui, c'est le message de la prospérité. On parle toujours de la prospérité, de l'élévation. Venir, entrer dans le mariage, c'est bien. Mais attention, Dieu ne bénit pas dans le péché. Nous devons aussi prêcher la repentance. Je vais parler à un pasteur. Écoute-moi bien. Dieu t'a fait la grâce qu'il y a des personnalités, des ministres, des docteurs, des chefs d'entreprise, des DG qui viennent chez toi. Mais écoute-moi bien. La plupart de ces gens-là vivent dans la compromission. La plupart de ces gens-là, leur besoin, ce n'est pas leur dire encore « vous serez élevés » parce qu'ils ont déjà l'argent. Leur besoin, c'est d'écouter le message de la repentance afin que ce DG-là, qui a 3 maîtresses, qui a 4 maîtresses, comprenne qu'il a besoin de rester fidèle à sa femme. Est-ce que tu comprends? Il a besoin de messages de repentance pour savoir qu'il n'a pas besoin d'entrer dans le mysticisme pour sacrifier ses enfants, pour garder son poste. Il a besoin de se confier en Jésus parce qu'il y a beaucoup de gens qui font le mélange. Il y a des gens qui sont des chrétiens de nom. C'est seulement le dimanche à la messe. Vous les voyez courbés pour prendre l'Eucharistie ou la Sainte-Cène. Mais pendant la semaine, il fait comme tout le monde. Il vit dans le monde. Il vit dans le fétichisme, dans le maraboutage. Il est méchant au niveau de son travail. Il licencie les gens abusés. malheureusement, il y a des gens qui trompent leur mari, des gens qui trompent leur femme. Et ce sont ces gens-là que tu as nommés comme diaconesse, comme président du comité des femmes. Le message dont ils ont besoin, c'est la repentance. Ils doivent changer de vie, ils doivent abandonner les péchés. Jean-Baptiste, lui, il prêchait le message de la repentance. Et Jésus lui-même va dire, parmi tous ceux qui sont nés sous la femme, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste, vous voyez. Aujourd'hui, le grand prophète, c'est celui qui opère des miracles, qui fait des croisades dans des grands stades. Oui, il y a les paralytiques qui marchent, ce n'est pas mauvais, parce que Dieu opère des miracles. Mais nous devons mettre aussi l'accent sur la repentance. Le verset 4 dit, « Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le message, le baptême de repentance pour la rémission des péchés. » Et le verset 5 dit, « Tous les pays de Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. » Vous voyez, des gens venaient, des foules venaient. Nous avons besoin de messages qui peuvent réveiller pour la transformation de notre société. Nous devons réfléchir. Regardez dans nos pays africains. Il y a beaucoup. Nos églises sont remplies. Tu vas entendre que telle église a 1000 membres, a 2000 membres, a 5000 membres. Mais vous allez voir dans ces églises-là, c'est plein de PD, c'est plein de tricheurs, c'est plein de voleurs. Il y a des gens qui trompent leurs femmes, même les pasteurs. Mais à quoi sert notre message si les gens ne sont pas transformés? Vous voyez ici, les gens venaient, se repentir, ils venaient confesser leurs péchés. Quand on parle du grand réveil, c'est ça. Les gens qui viennent pour se donner à Christ, pour changer leur vie. C'est ça le réveil. Nous avons besoin des messages. Le réveil, ce n'est pas faire des grandes croisades où les aveugles voient, les paralytiques marchent. Il y a des gens, quand ils expérimentent les miracles, et puis après les miracles, ils rentrent dans chambre d'hôtel pour sauter avec femme d'autrui, avec mari d'autrui. Ça, c'est quel miracle, ça? Le vrai miracle, c'est le miracle de la transformation des vies. Et le message qui produit ces miracles, c'est la repentance. Deuxième élément sur Jean-Baptiste. Il n'avait pas pour motivation la recherche des intérêts matériels. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui entrent dans le ministère pour avoir l'argent, pour avoir une belle voiture, pour avoir des maisons, pour voyager. On n'a plus vraiment ces pasteurs-là qui ont pour motivation de servir l'Éternel. C'est-à-dire que c'est par appel, par vocation, il veut servir l'Éternel. Sa première préoccupation, dans quelle voiture je vais rouler, dans quelle maison je vais habiter, quelle est la chaussure que je vais porter, ça doit être une chaussure de marque. Aujourd'hui, c'est ce qui préoccupe les gens. Ce n'est pas d'abord le ministère. Il y a aujourd'hui des gens mettent leurs intérêts au devant. Comment se fait-il que tu n'as même pas encore construit le temple pour l'église, pour la communauté? Mais ce qui te préoccupe d'abord, c'est qu'on puisse faire une collecte pour que tu puisses construire ta maison. Non, il faut inverser les choses. Regardez Jean-Baptiste, il prêchait son message dans les déserts. Le désert suppose un endroit où il ne fait pas beau vivre, vous voyez? Aujourd'hui, beaucoup de gens, nous aimons notre ministère, c'est dans les villes. Vous voyez, nous laissons les villages, les coins là. On dit que là, il y a des moustiques et là, les gens souffrent. Je ne dis pas que nous devons rechercher nécessairement la souffrance. Mais si le besoin nous recommande d'aller prêcher l'évangile dans des villages, dans les hameaux, où les conditions matérielles ne sont pas favorables, pour la cause du Seigneur, nous pouvons, nous devons le faire. La Bible nous dit, au verset 4, « Jean parut baptisant dans les déserts. » Autre chose, voyons l'habillement de Jean-Baptiste. On nous dit au verset 6, Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Et puis, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Nous voyons quelqu'un de modeste. Aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent des habillements trop extravagants. Ce n'est pas mauvais qu'un serviteur de Dieu, un chrétien, nous avons besoin d'être habillés décemment. Mais nous ne devons pas rechercher l'extravagance, des habits trop coûteux. Il y a aujourd'hui des gens qui exhibent leur costume pour dire « Je suis le seul d'avoir ce costume-là. Je suis le seul d'avoir cette montre qui coûte plus de 3 000, 4 000, 5 000 $ Et on exhibe ça même en pleine prédication. Est-ce que ça glorifie le Seigneur? Jean-Baptiste n'était pas ce type de serviteur qui brandissait ses vêtements, qui brandissait le prix de ses voitures. Non, on dit, il avait un vêtement de poids de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Ça montre que lui, sa première préoccupation, ce n'était pas d'abord ses intérêts matériels, mais sa préoccupation première était de prêcher, d'annoncer Jésus-Christ, parce qu'il était la voix de celui qui crie dans le désert. Troisième Vérité sur Jean-Baptiste, il était humble. Nous voyons l'humilité dans son ministère et dans sa manière de parler et d'agir. Il dit au verset 7, il prêchait disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Vous voyez un homme humble? Il ne veut pas prêcher, il ne veut pas parler de lui-même. Jean n'était pas ce type de pasteur, de prophète qui dit « Moi, je suis l'homme le plus loin, je suis l'homme le plus puissant, j'ai le plus grand ministère. » Il ne parlait pas de lui-même, mais il parlait de Jésus. Il dit « Moi, je suis en dessous. Il y a quelqu'un qui est plus puissant que moi. Moi, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent même qu'on puisse nettoyer leurs chaussures, qui veulent qu'on se prosterne devant eux, alors qu'on devait le faire devant Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas s'humilier, ils veulent qu'on parle d'eux-mêmes. Mon ami, il faut l'humilité, même dans ta vie. Sur l'exemple de Jean-Baptiste, je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien, tu as offensé ta femme, apprends à demander pardon. Pourquoi tu n'aimes pas demander pardon? Ça veut perdre quoi? Prie Dieu pour qu'il te donne l'humilité. C'est l'humilité. Ton foyer est en train de se détruire à cause de ton orgueil. Parce que tu ne reconnais jamais tes fautes. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. L'humilité, c'est le fait de considérer quelqu'un comme étant au-dessus de moi. Jean-Baptiste a reconnu que Jésus était au-dessus de lui. Et dans nos relations socio-professionnelles, dans nos relations interpersonnelles, nous devrions considérer les autres comme étant au-dessus de nous. Et non pas chercher à écraser les autres. Vous voyez, Jean-Baptiste dit, il y a quelqu'un qui est plus puissant que moi et c'est celui que je viens annoncer. Beaucoup de gens aujourd'hui aiment se frapper la poitrine. Moi, je suis le plus intelligent. Je vais parler à un jeune. Pourquoi veux-tu que tout le monde t'acclame au niveau de ta classe pour te dire que tu es le plus intelligent? Et si votre instituteur dit que voilà, il y a tel autre étudiant, élève qui est intelligent, vraiment, ça te fait du mal. Tu veux seulement qu'on parle de toi? Non! Reconnais que tu as des limites. L'intelligence que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. L'argent que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Humilie-toi et reconnais que c'est Jésus qui est au-dessus de tout. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais que nous puissions le louer en chantant ces cantiques. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, Jésus a parlé. Je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, Jésus a parlé. Je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix est, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureuse et ma joie est, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que je m'y marre. Confiance en Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Thank you. sauver, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et les ciels, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt à Dieu chaud, ce mortel-là, loin de vous, je prendrai mes ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Bientôt à Dieu chaud, je m'entends-là, loin de vous, je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Sauvez, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et les ciels, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt à Dieu chaud, je m'entends-là, loin de vous, je prendrai des ailes vers les demeures éternel vers Jésus-Christ. Bientôt à Dieu chaud, je m'entends-là, loin de vous, je prendrai des ailes vers les demeures éternelles vers Jésus-Christ. Gloire à Dieu, élevons le nom de Jésus, bénissons son nom. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSP. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour mon pays. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec OSP. OSP. Opération sur la brèche. Nous te bénissons, toi le Dieu miséricordieux, toi qui crées en nous un cœur pur, qui met en nous un esprit bien disposé pour te louer, pour te célébrer, pour te magnifier. Merci Seigneur, toi le Dieu qui nous pardonne nos péchés. Oui Seigneur, nous sommes nés dans l'iniquité, mais tu veux que la vérité soit au fond de nous. C'est toi, Seigneur, qui nous donne d'hériter ta nature de sainteté. C'est pourquoi nous t'élevons en ce moment, toi le Dieu saint qui nous accepte dans ta présence. Oh, sois béni, toi le Dieu trois fois saint. Nous t'élevons en ce moment, nous te glorifions, nous te magnifions, toi le Père d'amour, toi le Dieu qui nous sanctifie, le Dieu qui nous purifie, le Dieu qui nous lave de toute souillure, le Dieu qui nous transforme, le Dieu qui nous élève. Oh, sois magnifié, toi le Dieu qui veut que nous puissions te ressembler dans ta sainteté et dans ta victoire. Reçois en ce moment l'honneur et la gloire, toi le Dieu plein d'amour, le Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Oh, sois béni, Seigneur, toi qui nous pardonnes jour après jour, reçois en ce moment l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Je rappelle que vous êtes à l'émission OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Marc 1, 1 à 8. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Nous venons de voir que Jean-Baptiste est pour nous un modèle. Il prêchait le message de la repentance. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent dans la compromission. Le monde est entré dans l'église. Les mêmes choses que nous voyons dans le monde se retrouvent aujourd'hui dans l'église. Prions le Seigneur afin que le message de la repentance soit prêché dans le nom de Jésus. Que nos pasteurs, que nos serviteurs de Dieu puissent annoncer la repentance et que ceux qui vivent dans le péché changent de vie, qu'ils se tournent vers Christ. Prions le Seigneur. Je prie avec OSP. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour mon pays. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec OSP. OSP. Opération sur la brèche. La force pour la prière. Tendre Père, nous te bénissons et nous te glorifions. Nous magnifions ton saint nom. Lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie. Ce matin, ô Père éternel, c'est un privilège pour nous d'invoquer ton saint nom. Invoquer ton saint nom pour toutes ces grandes réalisations. Nous prions aussi, ô Père éternel, pour nos différentes communautés. Nous demandons, Père, qu'au travers de ton Esprit Saint, tu incites tes servantes et tes serviteurs à prêcher le message de la repentance. Que le message de la repentance soit prêché dans nos communautés afin que les jougs du péché soient brisés, afin que toute pensée captive soit délivrée au nom de Jésus-Christ et que ceux qui vivent dans le péché, ceux qui vivent dans l'iniquité se tournent vers toi et se confessent. Tu as dit dans ta parole, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous disons merci Père éternel pour cette onction de prédication de la repentance qui sera répandue en notre sein et que la prédication du message de la repentance libérera les captifs, délivrera ceux qui sont liés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel pour ton message, pour ta vérité qui nous affranchit et qui nous délivre de toute forme de captivité. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous venons de voir aussi que Jean-Baptiste est un homme modèle, un serviteur modèle, qui n'avait pas pour première préoccupation la recherche de ses intérêts matériels. Nous voyons qu'il exerçait son ministère dans le désert. Son habillement était modeste, même sa nourriture bien aimée. Nous avons aujourd'hui beaucoup de gens qui entrent dans le ministère pastoral, prophétique, apostolique, non pas à cause de l'appel, mais ils recherchent les intérêts matériels. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens, même font toutes sortes de stratégies pour escroquer l'argent. Ce qui les préoccupe, c'est l'offrande, c'est la dîme et non le ministère. Prions le Seigneur. Demandons pardon à Dieu et prions pour que Dieu suscite une génération de hommes, de femmes de Dieu qui sont réellement consacrés à Dieu, qui regardent les intérêts de Dieu et non leurs intérêts. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSP. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour mon pays. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec OSP. OSP. Opération sur la brèche. La force pour la prière. OSP. Nous t'acclamons ce matin parce que tu es la vérité. Et ta parole est la vérité. Tout ce que tu nous enseignes est bien pour notre vie, pour notre guérison, pour notre délivrance, pour notre élévation, Seigneur. Nous voulons ce matin te prier afin que tu nous aides à ne pas entrer en compromission, notre Dieu, à ne pas, Seigneur, vendre notre foi, à ne pas se livrer par rapport à l'argent, mais nous croyons avec l'exemple de Jean-Baptiste qui vivait d'une manière modeste, qui avait notre Dieu une nourriture modeste, un habillement modeste. Il vivait dans le désert et il prêchait ta parole. Oui, il parlait aux militaires, il parlait à tout le monde selon les questions qui lui étaient posées. Il a même parlé au Seigneur, à ce roi, de ne pas épouser la femme de son frère. Et cela lui a coûté la mort. Mais il a prêché ta parole. Nous voulons que ce genre de serviteurs soient suscités dans nos églises, dans nos nations, dans nos villages, dans nos sociétés, Seigneur. Que ta parole soit prêchée selon cette parole que nous avons dans la Bible, conduite par le Saint-Esprit. Sois béni, Seigneur. Sois magnifié. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Jean-Baptiste était humble. Nous avons tous besoin d'humilité. Un homme humble, il reconnaît, il regarde les autres comme étant au-dessus de lui. Prions pour que Dieu nous communique l'humilité, que nous puissions abandonner l'orgueil. Chassons l'esprit d'orgueil de notre vie, de notre foyer, de l'église, au nom de Jésus-Christ. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSP. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour pays. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec OSP. OSP. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSP. Seigneur, tu es Dieu, tu es tout puissant. Merci de nous avoir sauvés. Et merci de nous avoir mis à part comme ce matin pour prier, pour invoquer ton nom. La Bible déclare dans Colossiens 2, à partir du verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Merci Jésus-Christ, tu avais les véritables, les meilleurs sentiments. Et c'est toi qui es notre guide, c'est toi qui es notre enseignant. C'est à toi que nous voulons ressembler. Nous voulons être des hommes humbles, des hommes qui marchent dans l'humilité, qui vivent dans l'humilité, des hommes qui ne pensent que faire du bien au prochain, faire avancer ton œuvre, faire grandir ton œuvre, oui, participer à l'épanouissement du royaume, aider quelqu'un à venir à Christ, aider quelqu'un dans la faiblesse, aider quelqu'un à aller à l'école, aider quelqu'un qui a faim, aider quelqu'un qui est dans les difficultés, dans les défis. Père, merci, merci pour cette humilité que tu donnes à mon frère dans son foyer. Cette humilité que tu donnes à cette sœur. Merci pour cette humilité que tu donnes à ce serviteur. Éternel, brise en nous toute œuvre de l'orgueil, toute source de l'orgueil. Merci, Saint-Esprit, pour cette grâce que tu libères sur nous. Merci pour les portes que tu ouvres dans nos vies à cause de l'humilité. Au nom de Jésus, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB, mais nous rappelons notre rendez-vous bonheur conjugal pour les célibataires. Nous allons poursuivre notre thème que nous avons commencé la fois dernière. Comment éviter les mauvais départs pour réussir votre mariage futur? C'est pour les célibataires. À partir de 17h, la mise en place commence à 16h. Ne manquez pas parce que nous allons passer des temps intenses de prière. Nous nous approchons de la fin de l'année. Peut-être que toi, tu es déçu. Le Seigneur est capable de débloquer ta situation. Mais il faut te préparer parce que 2016, il y aura l'explosion. Mais il faut savoir comment éviter les pieds de l'ennemi. L'entrée est libre au super dans la même cour que la radio fréquente vie. Que Dieu vous bénisse. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur.